Suleiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le recensement général de la population déjà en cours dans le pays et financé par le gouvernement souffre de méconnaissance de la part de certains agents recenseurs, notamment dans la manipulation des machines. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du Bureau central de recensement, qui reconnaît aussi que les partenaires financiers n'ont pas encore mis la main à la poche, comme promis. 25 responsables des partis politiques burundais se trouvent à Beijing, en Chine, où ils participent depuis lundi à un séminaire portant sur l'expérience de la Chine en matière de développement. La rédaction Isanganiro a pu joindre un d'eux. Il se tient depuis ce jeudi à Rumonge, la 11e assemblée générale de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs. Notre correspondant sera en ligne pour plus de détails. Voilà pour le sommaire. Les fonds utilisés dans le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage ont été donnés par le gouvernement du Burundi et mis à la disposition du Bureau central de recensement, annonce faite par son directeur général ce jeudi après-midi dans une conférence de presse. Nicolas Ndayishimiye a signalé que les partenaires au développement qui ont promis d'appuyer le Burundi n'ont pas encore honoré leurs engagements. Il a également précisé que quelques défis comme la méconnaissance de la manipulation des machines a occasionné le non-respect du temps prévu. Un reportage de Dohoreb Ingabire. Le directeur général du Bureau central du recensement, Nicolas Ndayishimiye, a démenti les nouvelles qui ont circulé disant que les fonds qui sont en train d'être utilisés sont des fonds donnés par les partenaires du gouvernement dans le développement. Je tiens à vous signaler que ce soit pour la phase de la cartographie principale, que ce soit pour le dénombrement principal en cours, les fonds qui sont en train d'utiliser, ce sont des fonds que le gouvernement du Burundi a mis à la disposition du BCR. Le gouvernement du Burundi a mis à la disposition du Bureau central du recensement 46 milliards de francs. Et pour l'exercice budgétaire 2024-2025, le gouvernement a prévu de mettre à la disposition du BCR pour la conduite du dénombrement principal et les activités connexes 20 milliards de francs. Vous comprenez que jusque-là, le montant que nous sommes en train d'exécuter, de 66 milliards de francs burundais, c'est un montant qui a été mobilisé en interne par le gouvernement du Burundi. Il n'y a pas eu de partenaires au développement qui ont mis à la disposition du gouvernement du Burundi des fonds jusque-là pour la gestion, pour la conduite du recensement. Jusque-là où nous sommes, il y a des partenaires qui ont essayé de contribuer. Le partenaire qui a beaucoup contribué, c'est la Banque mondiale qui a promis 6,5 millions de dollars américains. Et ces fonds ne sont pas encore mis à la disposition du Burundi en totalité. C'est pour dire qu'il n'y a pas de malversation, il n'y a pas de mauvaise gouvernance par rapport à la gestion des fonds que le gouvernement a mis à la disposition du BCR. Quant aux grognes des agents recenseurs formés qui croyaient qu'ils seraient payés, Nicolas Ndayishimiye précise que ces personnes seront payées après avoir démarré les activités sur terrain. Quelques défis se sont observés et ont occasionné le non-respect de la date prévue pour démarrer le dénombrement. Il s'agit d'une l'existence du courant électrique et l'inexpérience de certains agents dans la manipulation des outils modernes. Malgré tout cela, le BCR a pris des mesures nécessaires pour la bonne marche du recensement. Un don en équipement de la chaîne de froid pour la vaccination a été remis ce vendredi au programme élargi de vaccination PEVANSIGLE. Il s'agit de 212 équipements électriques et solaires d'une valeur de près d'1 milliard de francs burundais octroyés par Africa CDC, un centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Le représentant du directeur régional de ce centre, Dr Anatole Nkeshimana, indique que cela va permettre de maintenir l'efficacité de tous les vaccins en garantissant leur stockage et leur transport sûr. L'initiative Sauver des vies, garantie des moyens de substance, a donc été mise en place en réponse à cette inéquité pour soutenir tous les États membres de l'Union africaine à non seulement avoir accès aux vaccins contre la COVID-19, mais également à contribuer au renforcement de leur système de santé. Dans le cadre de cette initiative, le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies a acquis 212 équipements de la chaîne de froid, incluant 28 réfrigérateurs électriques et solaires, 20 glacières, 162 porte-vaccins. Ce lot de matériel a une valeur totale de 346 648 000 $ américains. Dans notre région de l'Afrique centrale, la République du Burundi est le quatrième pays après le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville à bénéficier de cet investissement vital dont l'objectif est de garantir un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces sur tout le continent en général et dans notre région en particulier. Comme nous l'avons appris des défis récents, les équipements adéquats de la chaîne de froid sont essentiels pour maintenir l'efficacité des vaccins et permettre à chaque individu et à chaque communauté de bénéficier de ces vaccins qui sauvent des vies. Ces équipements permettront au ministère de la Santé d'élargir la couverture vaccinale en garantissant le stockage et le transport sûr de tous les vaccins, même dans les zones les plus reculées. Passer en revue la politique commerciale entre la Chine et l'Afrique en général et avec le Burundi en particulier, l'un des objectifs d'un séminaire qui se déroule depuis lundi à Beijing en Chine. Ce séminaire de 10 jours auquel participent des Chinois et 25 responsables des partis politiques burundais porte sur l'expérience de la Chine en matière de développement. Le développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda de l'Union africaine 2063 sont parmi les thèmes de débat. Gabriel Banzawitonde, un des participants, indique que le Burundi peut tirer des leçons de la Chine en matière de développement et de gouvernance. On l'écoute. Dans l'ensemble, la Chine développe de bonnes relations commerciales avec les pays africains et dans le Burundi. Alors, c'est le Burundi d'en profiter avec des produits variés à présenter puisque c'est un marché qui est un peu grand. Et vous savez même que depuis le 4 au 6 septembre, il y aura un sommet entre les pays africains et la Chine. Mais aussi, nous allons voir comment le Parti communiste chinois a pu développer le pays et a renforcé constamment la lutte contre la coalition. Et on a constaté qu'ici en Chine, il y a, je dirais, deux options très importantes. Il y a le leadership fort, mais aussi la bonne gouvernance. Ce qui a poussé que tous les Chinois sont des patriotes et suivent de près la bonne gouvernance. Et on aura la chance quand même de visiter les villes différentes pour voir comment le pays qui est quasi totalité dans le désert, mais la population vive mieux avec un PIB de 12 000 $ par là. Vous entendrez bien que c'est une élection qu'on va tirer et on va former des recommandations à l'endroit du gouvernement pour quand même faire expérience, faire développer le pays. Mais aussi, ça va nous aider à nous de compiler nos programmes politiques à présenter lors des élections 2025 et 2027. Pour le côté politique, ici en Chine, il y a un seul parti communiste chinois qui est au pouvoir, mais il y a aussi d'autres 8 partis politiques qu'on appelle partis consultatifs qui donnent des orientations qui contribuent pour la bonne gouvernance du pays. Il se tient à Rumonge, la 11e Assemblée générale de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs. Depuis ce jeudi, la direction de cette plateforme dit que de nombreux efforts sont actuellement investis dans la prévention des conflits dans la sous-région. Une ambition à soutenir. Aimé Laurentine Kanyana, ombudsman burundais, lançant les travaux de cette Assemblée générale, rassure que le gouvernement burundais appuiera les travaux de cette plateforme en vue de l'amélioration du bien-être de la population des pays des Grands Lacs africains. Jean-Pierre Misako. S'exprimant au nom du maire de la ville de Bujumbura, président en exercice de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs comprenant le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo qui étaient dignement empêchés, André Kapamba, maire de la ville de Kasumbalesa en République démocratique du Congo, a fait savoir que de gros efforts sont actuellement investis dans la prévention des conflits dans la région des Grands Lacs. Dans cette logique, les membres de cette plateforme sont appelés à prêter main forte afin que cette tâche se concrétise davantage. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette 11e Assemblée générale de cette plateforme, Aimé Laurentine Kanyana, ombudsman burundais, déclare que cette rencontre répond à la nécessité du dialogue transfrontalier entre les autorités locales pour ainsi contribuer à promouvoir une paix durable dans la région du lac Tanganyika. Et conscient du travail accompli par les administrateurs des villes côtières du lac Tanganyika et du pacte qu'ils ont réussi à sceller autour de ce patrimoine commun, l'ombudsman burundais rassure que le gouvernement burundais portera toute son attention et son appui aux travaux de la plateforme et accompagnera les villes dans leur initiative de vivre ensemble autour du lac Tanganyika pour répondre aux attentes de la population. Durant deux jours, les participants dans cette assemblée générale à laquelle les Rwandais n'ont pas répondu, échange autour du thème général environnement, climat et résilience dans son sous-thème vivre ensemble autour du lac Tanganyika, défis et opportunités. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Lutter contre l'insalubrité dans la ville de Bujumbura, protéger le lac Tanganyika et développer le secteur du tourisme sont certains projets qui sont réalisés par l'association Train d'Union avec pour but de raffermir les liens d'amitié belgo-burundaise. Lors du lancement officiel des travaux de cette association ce jeudi, Pancras Chimpaye, président de la dite association, a demandé au gouvernement de leur donner des facilités pour amener certains produits au Burundi. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. C'est une ASBL qui a pour vocation de raffermir les liens d'amitié belgo-burundaise, qui a pour vocation d'initier des projets qui mettent sur un piédestal l'image du Burundi et l'image de la Belgique, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit au Burundi ou dans la région des Grands Lacs. Nous avons beaucoup de projets, ce qui présage un engouement. Et l'autre aspect, j'ai lancé un appel pressant à tous les Burundais qui se retrouvent dans cette catégorie, qui ont vécu en Belgique, qui ont étudié en Belgique, qui ont vécu en Belgique ou qui vivent encore en Belgique, de rejoindre cette famille de très dignes des Belges et des anciens de Belgique. C'est leur famille. Et plus on sera nombreux, plus on aura la force d'aider à relever certains défis socio-économiques. Et au sein de votre association, Trade Union, quels sont les projets prioritaires que vous comptez réaliser? Nous avons beaucoup de projets. Nous avons les projets d'aider au niveau de la salubrité de la ville de Bujumbura, au niveau de la protection ou la salubrité du lac Tanganyika, au niveau de la taxe carbone qui n'est pas exploitée ici au Burundi, alors que c'est un droit qui revient de droit au gouvernement burundais, mais qui n'est pas suffisamment exploité. Et nous avons d'autres projets comme le nettoyage de la ville du lac Tanganyika, créer des dépotoirs, parce que c'est inacceptable que tous les déchets, que tous les eaux usées de la ville de Bujumbura soient déversés dans le lac Tanganyika. C'est pas normal que des déchets biochimiques qui datent du temps de la colonisation, qui sont toujours stockés quelque part, mais qui présentent un risque évident. Et dans le but de la mise en application de ces projets, qu'est-ce que vous demanderez à l'État? Ce que nous demandons, c'est des facilités, de pouvoir amener certains produits ici, des facilités au niveau de l'ambassade du Burundi en Belgique, parce que si nous avons le relais de l'ambassade du Burundi en Belgique et que nous avons le relais et le soutien de l'ambassade de Belgique au Burundi, les deux ambassades vont constituer dans la dynamique ou dans la démarche de Trade Union vers la réalisation de ces projets. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nouvelle des provinces à présent, les prix des matériaux de construction continuent à augmenter. En province Gitega, un sac de ciment Dangote venu de la Tanzanie coûte 80 000 francs, alors qu'il ne dépassait pas les 51 000 il y a à peu près deux mois. Et une tôle appelée Musumba numéro 1 s'achète aujourd'hui à 50 000 francs burundais contre 29 000 il y a un mois. Tous les consommateurs demandent à l'État de fixer des prix stables de ces produits. Gérard Niwikira. Au fur et à mesure que les jours avancent, tels les prix des matériaux de construction augmentent en province de Gitega. C'est cela les mots qui sortaient des bouches des gens que nous avons rencontrés devant les magasins de ces matériaux alors qu'ils étaient venus s'approvisionner en ce genre de marchandises. Ainsi, par exemple, un sac de ciment tanzanien appelé d'un côté de 60 kg se vendait à 80 000 francs bou ce jeudi, alors que ce mercredi, il se vendait à 77 000 francs bou, ont expliqué les commerçants. C'est au moment où, au début de la semaine écoulée, son prix était de 68 000 francs bouts et il y a environ 2 mois, ce même sac coûtait 51 000 francs bouts. Quant au ciment Bousséco fabriqué au Burundi, il ne se retrouve pas dans aucun magasin alors qu'il est régulièrement déchargé des camions au vide et aussi de tout le monde. Plus d'un acquise d'ailleurs les commerçants de l'eau cachée pour le vendre plus tard clandestinement à des prix élevés. Ainsi, des sources sûres révèlent qu'au marché noir, le ciment Bousséco se retrouve et coûte 70 000 francs bouts au moment où au début de la semaine écoulée, il coûtait 62 000 francs bouts. Mais dans la clandestinité totale, le prix officiel du ciment Bousséco étant de 38 000 francs bouts le sac. Même les prix des tôles ont augmenté, l'exemple étant celui de la tôle appelée Moussumba numéro 1 qui coûte aujourd'hui 50 000 francs bouts au moment où au début de la semaine écoulée, elle coûtait 46 000 francs bouts et il y a environ 2 mois, elle ne coûtait que 29 000 francs bouts. Les commerçants expliquent cette hausse de prix par le manque de devises et le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers de construction des immeubles dans ce pays. De leur côté, les gens qui ont des chantiers de construction et la population de l'ensemble disent qu'ils sont dans une confusion totale et demandent à l'État de tout faire pour abaisser ces prix des matériaux de construction. Depuis Gitega, Gianni Bigila pour la radio Isangani. Et vous saurez que la société de fabrication du ciment Bousséco a dernièrement présenté de nouveaux tarifs du ciment. Le sac de 50 kg de ciment du grade 32.5R passe de 38 à 45 000 francs burundais, tandis que le même sac de grade 42.5R passe de 48 000 à 55 000 francs burundais. Ces prix sont applicables depuis le 19 août selon un communiqué de Burundi Cement Company. Les caféiculteurs de la colline Karurusi en commune Gatara qui ont vendu leur café cerise à la station de dépulpage de Karinzi en commune Kayanza se plaignent de ne pas encore avoir été payés depuis à peu près 6 mois. Ils demandent l'intervention du gouvernement burundais pour être rétablis dans leurs droits. De son côté, le superviseur de l'office du café du Burundi dans la région nord, Félicien Niyibitanga, les tranquillise et déclare que cette question sera résolue très prochainement, sans plus de précision. Patrick Zengyonv. Certains des caféiculteurs de la colline Karurusi en commune Gatala y a vendu leur café cerise à la station de lavage des pulpages de Kalinzi en commune Kayanza et qui est sous le contrôle de l'office du café du Burundi, grognent qu'ils n'ont pas encore perçu aucun sou du café vendu depuis le mois de mars. Ces caféculteurs indiquent qu'ils éprouvent d'énormes difficultés à subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille, une situation à laquelle s'ajoutent et déplorent ces caféculteurs le manque de moyens financiers pour se payer des semences sélectionnées et des intra-organominéraux pour améliorer les rendements. D'autres caféculteurs parmi eux déplorent aussi que la rentrée scolaire approche alors qu'ils ne voient pas d'où ils tireront de l'argent pour payer le Minerva et les matériels scolaires pour leurs enfants scolarisés. Ces caféculteurs demandent au gouvernement burundais d'intervenir afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Contacté à ce sujet, Félicien Niyibitanga, superviseur de l'office du café du Burundi dans la région nord, celui-ci parlait d'un problème technique qui a eu lieu mais tranquillise les caféculteurs n'étant pas encore payés que cette question trouvera solution bientôt dans un prochain avenir. Depuis Kayanza, Patrick Nsengyumva va pour la radio Isanganiro. Et certaines personnes à qui le PNUD avait promis depuis 2 ans déjà en capital pour reprendre leur commerce transfrontalier sont lassées d'attendre cet argent qui devait passer par la microfinance Kazoza. Dans cette microfinance, on leur fait remarquer qu'il y en a qui ont confondu un crédit et un don. Larry Sandorichima, qui encadre ce projet, répond que les bénéficiaires recevront cet argent quand les premiers auront remboursé. Les détails avec Space Caritas Cavagnana. Ces personnes qui se comptent à une vingtaine et qui disent qu'elles représentent les autres racontent que l'organisation non gouvernementale PNUD leur avait promis un capital comme crédit pour redémarrer leurs activités de commerce transfrontalier perturbées par le COVID-19. Et ce capital devrait passer par la microfinance Kazoza après des séances de formation et de détraumatisation. Selon la même source, ils étaient au nombre de 400 bénéficiaires au départ sur certaines collines de la commune Gihanga, celles qui sont à la frontière ou qui approchent la République démocratique du Congo. Mais quand ils ont appris que c'était un crédit à rembourser et non un don, 130 ont abandonné le projet et parmi les 270 qui restent, au moins une vingtaine auraient bénéficié de ce crédit, un montant tellement inférieur à celui convenu lors des formations, selon ceux qui réclament encore cet argent. Ils demandent à la microfinance Kazoza de les rétablir dans leurs droits. Dans cette microfinance, on explique que ces personnes qui réclament ont confondu un crédit et un don. Larissa Ndolichimba, qui encadre ce projet, contacté par téléphone, fait savoir qu'on ne donne pas un crédit n'importe comment et à n'importe qui. Elle dit qu'ils doivent d'abord identifier les bénéficiaires qui font des activités et qui sont capables de rembourser. Elle tranquillise cependant et demande à ces personnes de patienter pour que les premiers bénéficiaires puissent rembourser les montants qu'ils ont reçus. Spécialitas Kavanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.